Chapitre 5e. En entrant dans le vestibule, Antoine fut étonné de l'absolu silence qui régnait à l'intérieur. On se serait cru au château de la Belle au Bois Dormant. La porte de la salle à manger était entrebâillée, mais la pièce était déserte. Courouvre, qui se croyait attendu, se sentit piqué dans son amour-propre lorsqu'il constata qu'il en était pour ses frais d'imagination. Déçu, il allait regagner sa chambre, quand une légère toux, partant d'une sorte de fumoir contigu à la salle à manger, attira son attention. Pour dire vrai, Madame d'Ordelue avait parfaitement entendu rentrer son hôte, mais dépitée du peu d'empressement de ce dernier, elle jouait l'indifférence et se promettait de le faire attendre à son tour. Pourtant, quand elle comprit qu'il allait s'éloigner assez philosophiquement, elle ne put lui tenir rigueur jusqu'au bout, et tout ça de façon à ce qu'il fût impossible à Courouvre d'ignorer sa présence. Il revint sur ses pas et souleva la portière du fumoir. Christine était à demi couchée sur une chaise longue et feignait de sommeiller. Elle tourna languissamment la tête vers la porte et entr'ouvrit les yeux. « Madame, murmura Antoine, excusez-moi de vous avoir dérangé. Pardon, répliqua-t-elle en quittant la position horizontale et en ramenant sa jupe sur ses pieds. Je croyais que vous étiez resté aux Ilettes. Et je m'étais endormi. » Elle parlait bref, avec une froideur voulue. Il comprit qu'elle le boudait, et naturellement fut pris du désir de se faire pardonner son manque de galanterie. « J'ai quitté Onésime, il y a tantôt 2 heures. »« Ah » interrompit-elle, froissée de nouveau. « Vous n'étiez pas trop pressé de revenir ?»« Si je n'avais suivi que mon goût, je serais ici depuis longtemps, mais j'ai craint d'être indiscret. »« Indiscret ? Pourquoi ?» demanda-t-elle avec une pointe d'agacement. Monsieur d'Ordelue ne m'avait-il pas chargé de vous tenir compagnie en son absence? C'est précisément cela qui me rendait plus scrupuleux. Je songeais que sans vous consulter, Onésime, vous avez imposé là une charge un peu lourde et je ne voulais pas abuser. Oh, je ne vous savais pas à ce point faiseur de cérémonie. En même temps, un espiègle sourire retroussait les coins de ses lèvres boudeuses. Et elle ajoutait, avec un regard enjôleur coulé entre ses cils, « Avouez plutôt que vous craignez de vous ennuyer dans ma société. Vous n'auriez pas fait tant de façons avec cette belle dame du Bois des Panses qui traversait la Bièmes pour venir voir. « Permettez, » répondit Antoine avec un rire contraint, « il n'y a pas la moindre comparaison à établir. Cette dame était un peu légère, tandis que vous êtes une personne comme il faut. » C'est-à-dire avec une personne avec laquelle on s'amuse médiocrement, n'est-ce pas? Comptent-elles donc ces femmes légères pour que les hommes se plaisent tant dans leur compagnie? Ce serait trop difficile à vous expliquer, restons-en là. Du tout, cela m'intéresse, insista Christine d'un air de bravade. Voyons, comment était-elle faite, votre dame du Bois des Panses? Était-elle blonde ou brune? Blonde, je crois. Vous croyez? Vous n'en êtes pas plus sûr que ça. C'est étonnant comme les hommes attachent peu d'importance aux détails. Ils voient les choses en gros, et ça leur suffit. Imaginez-vous que M. d'Ordelue n'a jamais su dire de quelle couleur sont mes yeux. Ils sont fort beaux, et c'est l'essentiel. C'est qu'à Courouvre que cette conversation surexcitait et qu'il commençait à oublier ses belles résolutions de sagesse. Vous voyez, vous non plus. Les coudes aux genoux, le menton dans ses mains, elle avançait la tête et plongeait étourdiment ses regards dans ceux de son interlocuteur. « Allons, dites, reprit-elle, de quelle couleur sont-ils ? » Antoine sentait la phosphorescente lumière des yeux de Christine se répandre dans les siens comme un filtre. Il en était ébloui et si troublé qu'il avait peine à trouver ses paroles. « Je crois, balbutia-t-il, qu'ils sont verts. » C'en était trop pour lui. Il ne put résister à la tentation de saisir les poignets de Madame d'Ordelue et de les serrer tendrement. Ils restèrent ainsi une bonne minute, les mains unies et le cœur palpitant. « Alors, murmura-t-elle, en baissant lentement ses paupières, nous sommes amis ?» Cette question câlinement formulée était comme la naïve conclusion de tout un enchaînement de pensées très tendres. Courouvre devina le périlleux travail de réflexion qui s'était opéré dans la tête de Christine et envisagea avec de nouvelles craintes la pente rapide sur laquelle ils glissaient tous deux. Il comprit que cette jeune femme, retenue par d'honnêtes scrupules, cherchait à rassurer sa conscience en décorant du nom d'amitié ce besoin d'aimer qu'il entraînait comme il avait entraîné sa mère et son aïeul. Innocente encore, mais déjà tentée, elle allait à tâtons vers l'amour défendu, ainsi qu'une plante enfermée dans une cave, se dirige instinctivement vers la lumière du soupirail. En cette occurrence, à quel fil léger tenaient l'honneur et le repos d'Onésime ? Antoine ne pouvait s'empêcher d'y penser, et cette pensée lui donnait le frisson. Les confidences si émouvantes de Dordelu résonnèrent de nouveau nettement à ses oreilles, et il eut honte du rôle double qu'il jouait entre les deux époux. « Ami, répéta-t-il, hélas, chère madame, à quoi vous servirait l'amitié d'un vagabond tel que moi ? Songez que dans 2 ou 3 jours je quitterai les Senades, et qui sait quand j'y reviendrai ?» Une buée obscurcit l'éclat des yeux de madame Dordelu, et une mouche chagrine retroussa ses lèvres. « Ce n'est pas gentil ce que vous dites là. Pourquoi partiriez-vous si vite ? Que voulez-vous ? Je suis comme les oiseaux de passage et je ne puis rester longtemps à la même place. Que feriez-vous d'une amitié aussi volage que la mienne ? D'ailleurs, vous possédez un ami plus sérieux, ce brave Onésime qui vous adore. « Onésime, oui, sans doute, » murmura dédaigneusement Christine, agacée et se levant avec vivacité. Dans le mouvement dépité qu'elle fit pour quitter la chaise longue, sa tête effleura l'angle d'une étagère garnie de livres. Sous le choc, son peigne se détacha et ses épais cheveux noirs ruisselèrent sur ses épaules. « Vous vous êtes fait mal ?» demanda Courouvre, tandis que ses yeux charmés suivaient d'un regard admiratif et convoiteur le déroulement de cette magnifique chevelure. À travers les crépelures moutonnantes, le visage de Christine apparaissait comme noyé. Ses vertes prunelles y prenaient un éclat plus mystérieux. « Pas du tout, » répondit-elle avec un rire enjôleur. « Seulement me voilà toute décoiffée. Enfin, cela vous prouvera du moins que tous mes cheveux sont bien à moi. Vous êtes adorable ainsi, » chuchota-t-il d'une voix étranglée. De nouveau il s'affolait, perdait la tête, et ayant pris à poignée les ruisselants cheveux noirs, il les baisait à pleines lèvres. Christine ne semblait pas s'en effaroucher. Elle continuait de rire d'un petit rire étouffé qui lui gonflait la gorge. « Êtes-vous fou ? A-t-on jamais vu embrasser des cheveux ? Non, vous n'êtes pas sérieux, décidément, finissez. » Cette défense ainsi formulée n'était guère intimidante. Courouvre l'interpréta sans doute comme une invitation à pousser plus loin ses caresses, et à travers la chevelure défaite, ses lèvres allèrent se poser sur les yeux de madame Dordelu. Alors seulement, commençant à s'épeurer, elle se dégagea. D'une main relevant ses cheveux, de l'autre elle repoussa vivement Antoine. S'écria-t-elle, « Laissez-moi me recoiffer en paix, obéissez, allez-vous-en » Il obéit et lentement recula jusqu'au seuil de la salle à manger. Quand elle le vit près de disparaître, Christine ajouta, non sans une pointe de coquetterie triomphante, « À tout à l'heure. Je vais m'occuper de notre souper, et je vous appellerai quand tout sera prêt. » Antoine, encore tout étourdi, regagna sa chambre. Les derniers incidents du tête-à-tête avaient mis le désarroi dans son esprit. Ses idées flottaient à l'état d'ébauche imprécise. Il éprouvait cet éblouissement délicieux que provoquent les premières lampées de la liqueur d'amour et qui grise comme du vin doux. Il la savourait sans arrière-pensée, sans songer, comme jadis au début de ses aventures galantes, que cette aventure finirait ainsi que les autres dans la lassitude et la satiété. Il se promenait nerveusement à travers la chambre, essayant en vain de remettre sa pensée d'aplomb. Dans le silence du logis, il percevait par sa fenêtre ouverte les moindres bruits du dehors. Tout à coup, à l'autre extrémité du chalet, derrière les persiennes closes de la pièce où Christine était sans doute en train de réparer le désordre de sa coiffure, il entendit la jeune femme fredonner étourdiment la chanson de Jean du Bois Vert. Elle aussi, probablement, subissait la griserie de l'amour qui commence et chantait comme un rossignol à l'approche de la saison des nids. Par moments, Courouvre saisissait des lambeaux de couplets. Voici Jean du Bois Vert sur ses ergots plantés. Gardez bien vos poulettes, le grand coq est lâché. Il allait et venait, examinant machinalement les menus objets qui décoraient la chambre d'amis. Les vases de fleurs artificielles, protégés par une cloche de verre, les lithographies sentimentales représentant le départ et le retour du marin. Par hasard, ses yeux tombèrent sur une photographie d'Onésime Dordelu. Le maître du logis était portraituré debout, près d'un guéridon. Sanglé dans une redingote trop étroite pour son ventre déjà bedonnant, il appuyait sa main droite sur une pile de livres. L'épreuve était d'une frappante ressemblance. La bouche naïve souriait avec bonhomie. Les yeux ronds et bienveillants regardaient le spectateur avec une touchante confiance, et Antoine crut entendre Onésime répéter de sa voix de fausset « Mon brave Courouvre, quelle bonne femme que la mienne !» Cela jeta une douche sur son effervescence et lui donna de nouveau à réfléchir. « Ah ça, se dit-il, où veux-je en venir? Vais-je prendre la femme de ce pauvre garçon? Ce serait infect. Mais je m'y connais. Si je tergiverse, si je redescends dans la salle à manger et me retrouve tête à tête pendant toute une soirée avec cette jolie Christine, je succomberai. » Certes, ce serait une adorable femme à aimer, une maîtresse comme je n'en ai jamais eu, comme je n'en rencontrerai plus jamais, d'accord. Et après, quand j'aurai séduit Madame de Hordelu, je serai bien avancé. Au bout de 2 jours, mon plaisir sera gâté par le remords d'avoir détruit le bonheur de ce brave Onésime et par le chagrin de quitter Christine. Je crois bien que je serai son premier amant, mais sûrement je ne serai pas le dernier, et j'aurai sur la conscience un ménage à jamais troublé par ma faute. Ma foi, non. Si Onésime doit être trompé, j'aime mieux n'être pour rien dans l'affaire. Cette vilenie-là me porterait malheur. Partons. Il y a des jours où il faut savoir rester sur sa faim. Brusquement, vaillamment, il entassa son mince bagage dans son carnier, passa sa blouse et enfonça son feutre sur ses oreilles. Il avait déjà mis son fusil en bandoulière quand il s'arrêta, pensif. « Je ne puis pourtant pas décamper ainsi sans prévenir Onésime. Ça lui paraîtrait louche. » Il aperçut sur un petit bureau du papier à lettres, une plume et un encrier. Alors il s'assit et griffonna ce qui suit. « Mon brave camarade, en te quittant ce tantôt, j'ai rencontré un messager qu'on avait envoyé à mes trousses, une affaire urgente. Entre nous, une histoire de femme m'oblige à retourner à Florent. Pardonne-moi de partir sans te serrer la main et excuse-moi auprès de Madame d'Ordelu. Merci à tous deux de votre cordiale hospitalité et à toi, mon vieux, une bonne poignée de main. Antoine. » Il insira ce billet dans une enveloppe à l'adresse de son hôte, puis, à pas de velours, il gagna le vestibule où il stationna un moment, l'oreille aux écoutes. Personne dans la salle à manger. Il y entra sur la pointe des pieds, déposa la lettre en belle vue sur la table, puis en trouvant avec précaution la porte de la cour, il fila dans la direction de la Bièmes. Il descendit lestement le long des prés vallonnés, en se dissimulant derrière les aunelles, et atteignit un rustique pont de planches qu'il franchit tout d'un trait, pour gravir le revers boisé de la colline. Il se hâtait si fort que l'essoufflement le força de s'arrêter à moitié de la montée. Il y avait là une éclaircie d'où l'on apercevait entre les chênes le fond de la vallée. Instinctivement, il se retourna. À une portée de fusil, au bord de la route, le chalet des Senades se profilait sur le ciel rougi par le soleil couchant. Antoine pouvait distinguer les persiennes closes de la chambre de Christine et les dentelures du toit au-dessus duquel montait un filet de fumée bleue. La fumée du souper préparé en son honneur. Il se représenta Madame de Hordelu, coiffée de frais, redescendant vers la salle à manger et y trouvant son billet. « Je passerai ses yeux pour un pacan ou pour un sot, » pensa-t-il. Son cœur se serra. Il regarda le chalet avec des yeux pleins de regrets et fut tenté de rebrousser chemin. En repartant sur le champ pour les Senades, il arriverait encore à temps pour saisir sa lettre. Christine ne se douterait pas de son injurieuse escapade, et ils pourraient goûter pleinement ensemble les délices de ce tête-à-tête que l'hasard leur avait ménagé. À la pensée de serrer tout à son aise dans ses bras la taille souple de Christine et de baiser longuement sa bouche rieuse, ouverte comme une fraîche rose, Antoine sentait les battements de son cœur s'arrêter. L'amour de cette jeune femme, pleine de fougue et de sève, devait être une source de savoureuse volupté. Il se mordit les lèvres et tourna brusquement le dos au chalet. « Non, se dit-il, je me suis juré de ne pas tromper ce pauvre Onésime, et je tiendrai ma parole. » Là-dessus, pour s'arracher à une dernière tentation, il s'enfonça dans le bois déjà obscurci par le crépuscule. Au-dedans de lui, il souffrait d'un gros crève-cœur, tandis que croissait la distance qui l'éloignait jamais de cette Christine si attirante, la seule femme qui eût inspiré un véritable et pur sentiment de tendresse. Pourtant, quand il eut mis une bonne lieue de forêt entre lui et les Senades, la satisfaction morale, qui suit toujours un victorieux effort, le rasséréna peu à peu. Son chagrin se changea en une mélancolie douce et, pour se féliciter de sa laborieuse victoire, peut-être aussi pour chasser un dernier regret, il commença de siffler si vivement que cette musique sonore réveilla les merles légers assoupis dans les fourrés. Au bout d'une heure, il s'arrêta de réchef. « Ce n'est pas tout cela, » songea-t-il. « Où vais-je aller souper et coucher ?» L'idée lui vint d'abord de retourner à Florent frapper à la porte du Cocardi. Madame Joly, pour sûr, le recevrait à bras ouverts. Mais il secoua négativement la tête. Il avait le cœur trop plein de Christine pour accepter les caresses d'une autre femme. Cela lui semblait une profanation. « Nenny, » murmura-t-il, « le curé de Beaulieu fera mieux mon affaire. Je suis dans un état d'esprit à avaler ses sermons sans sourciller. » Il doubla le pas et arriva, la nuit tombante, chez l'abbé Perardel, qu'il trouva au fond de sa cuisine, en train de faire rôtir dans sa coquelle de douzaines de petits oiseaux. « Ah, c'est toi, coureur ?» dit le curé en le voyant entrer. « Pour que tu viennes chez moi à 7 heures, il faut que tu aies grand besoin d'une sermonnade. Quel tour as-tu encore joué, Jean du Bois Vert ?»« Tu te trompes, l'abbé, » répliqua Courouvre en soupirant. « J'ai l'estomac creux, mais la conscience nette. Si tu m'entendais en confession, tu verrais que mon patron, Saint-Antoine, n'a pas mieux résisté qu'au moins à la tentation et que ce soir, je mérite autant que lui d'aller tout droit au paradis. » Ainsi s'achève Tentation par André Theuriet.